La salle des profs perdus de Victoria Cario. Troisième épisode. Vous voulez la peau de mon fils, c'est ça? C'est pas lui le problème, c'est vous. Ce n'est pas vrai. Dans la famille, on a toujours été bon en maths. De toute façon, c'est connu, vous êtes nul. Je me fiche de vos conseils, elle part dans le privé. Ouais. C'est pas mon problème si vous n'avez pas d'autorité. Non, mais c'est génial. Et ça n'est que la récolte d'un semestre. J'en ai encore pas mal en réserve. Tu les notais toutes? Non, bien sûr que non. Souvent, j'avais pas le temps. Puis encore plus souvent, ce qu'il disait était trop vulgaire pour passer à l'écrit. Tu rechignais toujours à y aller. Il y avait de quoi. C'était franchement la punition trimestrielle. Mais c'était aussi l'occasion de faire un bel état des lieux du degré de bêtise atteint par les ménages avec enfants. Étrangement, j'en ressortais toujours avec une espèce de compassion pour mes élèves. À voir leurs parents, ils s'en sortaient pas si mal. 1998. Je ne pensais pas que la réunion aurait un tel succès. Les classes sont prises d'assaut. Nous serons très bien ici, en salle des profs, au calme. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, Diego, quel bilan dresses-tu de ton année? Est-ce que tu as des remarques dont tu souhaites nous faire part? Des idées, des désirs pour l'année prochaine? Dans quelle section voudrais-tu rentrer en première? Tu as réfléchi? Non mais attendez là, si vous attendez qu'il vous réponde, on en a pour la nuit. C'est pas évident, peut-être intimidant pour toi de prendre la parole ici, mais je pense qu'il est important que tu nous fasses part de tes désirs, de tes choix, à toi. Bon, excusez-moi, mais là je comprends pas bien. Le but d'une réunion parents-prof, c'est pas plutôt que vous me parliez à moi et que vous me disiez comment ça se passe avec lui et s'il va passer? Oui, en effet, c'est en partie le but de ces réunions, vous avez tout à fait raison. Mais avant que je ne prenne la parole, je crois qu'il est important d'offrir à Diego son temps de parole, afin qu'il nous fasse part de son ressenti à lui, de l'année, de ses progrès, de ses désirs quant à son orientation. Et vous tablez sur combien de temps à peu près pour tout ce petit programme-là? Non, parce que là, il est déjà 20h, on n'habite pas la porte à côté. Alors, je propose qu'on saute le temps de parole de Diego, qui de toute façon n'a rien à dire, et qu'on passe à la suite. Hein, Diego, t'as rien à dire? Non, c'est vrai, je... Voilà, alors, il passe ou pas? Mais c'est plus compliqué que ça, monsieur. Le passage de votre fils dans la classe supérieure dépend notamment de ce qui se dit au cours de réunions comme celle-ci. D'où l'importance que Diego y prenne la parole pour exprimer son point de vue. Bon, Diego, vas-y. T'as 5 minutes, le match commence à 9h. Le quoi? Le quoi? Vous avez dit le quoi? J'ai dit le rien. Ah si, si, j'ai entendu, vous avez dit le match. Vous avez dit, dépêche-toi, le match commence à 9h. J'arrive pas à le croire. Non mais attendez... Mais vous voulez compter la réunion durant laquelle il est question de l'avenir de votre fils pour aller voir un match de quoi d'ailleurs? Ben dis donc, je ne sais pas dans quel monde vit ta prof. De football. C'est la Coupe du Monde, madame, au cas où vous ne seriez pas au courant. France, Afrique du Sud. Et vous préférez aller voir votre match plutôt que de vous inquiéter de l'avenir de votre fils? Non, mais dis donc, pour qui vous vous prenez? Vous n'allez pas me faire la leçon de morale, vous qui mettez des insanités dans la tête des gosses? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'adultère, ça vous dit quelque chose? Apparemment, ça vous intéresse beaucoup et vous n'avez que ce mot-là à la bouche depuis le début du semestre. L'adultère, l'adultère, l'adultère. Mais de quoi vous parlez? C'est par rapport à Lancelot. Sors ton cahier de français. Ah. Dans l'amour courtois, la femme courtisée est toujours socialement supérieure à l'homme. Bon, ça va encore. Elle est noble s'il est roturier, elle est duchesse s'il est comte, elle est reine s'il est chevalier. Ah, voilà. Autre caractéristique, la dame aimée est toujours mariée, pas celui qui en est amoureux. La relation courtoise est donc par essence adultère. Adultère. Alors, je veux bien que la prof de mon fils soit un peu lubrique, mais par contre, qu'on ne vienne pas me faire des leçons de morale parce que j'ai le malheur d'être patriote et que je soutiens mon pays, madame. Mais monsieur, il ne s'agit pas d'adultère. D'adultère au sens vulgaire du terme, comme vous l'entendez. Il s'agit de littérature, de l'adultère courtois. Vous connaissez l'amour courtois, monsieur, la fine amour. Ça vous dit quelque chose? Tristan et Iseult, non? J'imagine que non, et c'est bien dommage, car le roman Courtois est un joyau de la littérature française. En tant que patriote, je vous invite à vous y intéresser. N'empêche que parler d'adultère à des gosses de cet âge-là, ça me semble bien lubrique. Écoutez, monsieur, si vous pensez sincèrement que mes propos sont lubriques, je vous demande dès à présent de porter plainte auprès du rectorat. Et je vous conseille d'apporter pour preuve de ma lubricité le cahier de votre fils et la mention qui y est faite de l'adultère. Pour le reste, j'aurais beaucoup aimé parler avec vous de l'avenir de Diego, mais apparemment, ce n'est pas ça qui vous intéresse le plus, ce qui est fort dommage, car Diego se trouve dans une situation bien délicate et son passage en première est plus que compromis. Ah ben voilà, on y arrive. Toutes ces simagrées pour ne pas dire les choses en face. Il redouble, j'en étais sûr. Diego, si tu t'engages à faire les efforts nécessaires pour redresser la barre, alors peut-être qu'on pourrait envisager... Ne l'écoute pas, Diego, elle est en train de te raconter des salades. Je les connais par cœur. Elle te dit ça, mais t'inquiète pas, tu vas la redoubler ta seconde, comme moi. Diego, je suis sincèrement désolée que tu aies à subir un tel environnement. Je savais pas, et je comprends mieux... Bon, allez, ça suffit maintenant. Vous avez d'autres remarques insultantes ou on peut s'en aller? Il s'appelle Diego en hommage à Maradona ou votre crétinerie a des limites? Bien, Diego, on y va. Tu avais raison, t'as un prof complètement hystérique. Oui, c'est ça. À lundi, Diego. Et l'hystérique vous souhaite un bon match. La salle des profs perdus de Victoria Cario. Avec Sabine Autepin, Yves Pignot, David Siguicelli, Henri-David Cohen, Sophie Mirand, Sylvia Conti. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort et Jean du Cimetière. Assistant à la réalisation, Félix Levachet. Réalisation, Cédric Ossire.